Yeah. Prendre le large, avec le recul, avec l'âge, on voit les choses différemment. Écoute. Je te ferai mes plus belles rimes pour le plus beau thème. Parce que mes rêves, j'en ai vu que les obsèques. J'ai une autre définition de la beauté. Notre système, je pense qu'il a rien de bon à nous apporter. Du coup, plus le temps passe, plus j'aspire à me barrer. Je suis barbé, je me suis saoulé de tout, je me suis saoulé de vous. La mélodie m'appelle, je tends les mains aux anges, je veux prendre le large. Hisser les voix, je laisse tout derrière moi. J'ai du matériel, je refourque tout, rien à foutre. Je suis pas fait pour ce mode de vie, je peux plus rester ici. Synonyme de condamné à être triste, tout est gris, notre terre pleure. Ce qui va sauver Pachamama, c'est pas des voitures hybrides. On est bon qu'à exposer nos péchés. Derrière des vitrines, on est devenu esclave de boutique. On pense à la thune, au sexe, à pécho des boutiques. Faut faire pousser soi-même, de façon faut tout faire soi-même. C'est ma mentalité, compte à rendre à personne. Faut serrer les coudes et niquer l'état en construisant sans lui. Au lieu de ça, des fils de pute s'enrichissent sur nos taxes. Besoin de prendre le large pour comprendre comment tourne cette terre. Avec le recul, avec l'âge, on interprète différemment. On comprend mieux les choses, on voit la sève apparaître sous l'écorce. Une seule chose à dire, ouvrez les yeux, gardez la force. Besoin de prendre le large pour comprendre comment tourne cette terre. Avec le recul, avec l'âge, on interprète différemment. On comprend mieux les choses, on voit la sève apparaître sous l'écorce. Une seule chose à dire, ouvrez les yeux, gardez la force. Le volant de mon destin dans les mains, je veux partir loin. Mais y'a tellement de gens que j'aime et je voudrais tous les convaincre. Des fois je me perds dans ma gamberge, je sais plus si je dis vrai, je sais plus si je dis vague. Si j'ai les pieds sur terre ou la tête dans les nuages, on se fait niquer de A à Z et les gens s'en rendent pas compte. Ça me fait de la peine, mais au final ça m'apporte quoi de le savoir? On reste dans l'ombre, je me demande si ça me rend meilleur ou non. Je me demande si ça m'affiche, si ça m'attriste. On est des atomes dans leur matrice. J'ai vu mon pote partir en psychiatrie, génération incomprise. J'ai tellement peur de péter les plombs, je suis instable. Si tu savais, tout peut basculer en une seconde. Y'a rien qui me plaît, rien qui m'amuse, pour ça que je te dis, blasé de nature, je veux prendre le large. Je me laisse guider par les flots, le courant me perd sur nous, les étoiles veillent. Maria la gamberge, j'ai trop peur de me perdre, j'ai besoin de me retrouver seul avec moi-même. Besoin de recul pour comprendre comment tourne cette terre. Besoin de prendre le large pour comprendre comment tourne cette terre. Avec le recul, avec l'âge, on interprète différemment, on comprend mieux les choses. On voit la sève apparaître sous l'écorce. Une seule chose à dire, ouvrez les yeux, gardez la force. Besoin de prendre le large comprendre comment tourne cette terre. Avec le recul, avec l'âge, on interprète différemment, on comprend mieux les choses. On voit la sève apparaître sous l'écorce. Une seule chose à dire, ouvrez les yeux, gardez la force. Bienvenue dans notre monde où les médias banalisent les expulsions, les déportations en charter, où notre président veut nettoyer au karcher, où l'horreur tourne en boucle comme un vinyle et personne ne dit rien. Tout le monde s'enferme dans sa petite vie, fiancé avec une routine de merde par peur du pire. Des vidéos protection qui nous surveillent, des délations pour gonfler le solde bancaire, surveillé par satellite. Et même pour ça ils ont pollué l'espace. Je crois que j'ai la haine de notre espèce. Ouvrez les yeux, les besoins sont le large pour comprendre comment tourne cette terre. Avec le recul, avec l'âge, on interprète différemment, on comprend mieux les choses. On voit la sève apparaître sous l'écorce. Une seule chose à dire, ouvrez les yeux, gardez la force. Besoin de prendre le large pour comprendre comment tourne cette terre. Avec le recul, avec l'âge, on interprète différemment, on comprend mieux les choses. On voit la sève apparaître sous l'écorce. Une seule chose à dire, ouvrez les yeux, gardez la force. Besoin de prendre le large pour comprendre comment tourne cette terre. Avec le recul, avec l'âge, on interprète différemment, on comprend mieux les choses. On voit la sève apparaître sous l'écorce. Une seule chose à dire, ouvrez les yeux, gardez la force. Besoin de prendre le large pour comprendre comment tourne cette terre. Avec le recul, avec l'âge, on interprète différemment, on comprend mieux les choses. On voit la sève apparaître sous l'écorce. Une seule chose à dire, ouvrez les yeux, gardez la force. Besoin de prendre le large, yeah. Besoin de prendre le large, ok. Avec le recul, avec l'âge, on voit les choses différemment. Besoin de prendre le large. Avec le recul, avec l'âge, yeah. Besoin de prendre le large.